Première section, article préliminaire d'une paix perpétuelle entre les États. Article 1er. Nul traité de paix ne peut mériter ce nom s'il contient des réserves secrètes qui permettent de recommencer la guerre. En effet, un tel traité ne serait qu'un armistice, une suspension d'armes, et non la paix, qui est la fin de toute hostilité, la paix qu'on ne peut même appeler perpétuelle sans faire un pléonasme. Le traité de paix doit anéantir tout sujet de guerre connu ou inconnu des parties contractantes. Quelque habileté qu'on puisse mettre plus tard à les exhumer des archives de la diplomatie. Réservé de vieux griefs que la faiblesse des partisans en lutte peut seule ajourner, pour les produire ultérieurement quand l'occasion paraîtra favorable, ce serait user d'une restriction mentale qu'il convient de laisser à la casuistique des jésuites. Il est indigne des souverains et de leurs ministres d'avoir recours à ces calculs honteux. C'est ainsi qu'en jugera tout homme qui verra la chose telle qu'elle est. Mais si conformément aux principes lumineux de la politique, on fait consister la gloire de l'État à s'accroître perpétuellement par des moyens quelconques, mon raisonnement n'est évidemment qu'une pédanterie scolastique.